quand tu ne fais rien, le temps s'écoule. Si t'as percé tout seul tes couilles, ça rafale, le sang s'écoule. Chez nous, mais à part ça, c'est cool, je m'en bats les couilles. Tu parles de moi, ça me fait du buzz. T'étonne pas si je rappe des terres, si je trouve l'inspi dans un gros buzz, j'ai rien à perdre. Alors, poteau, me casse pas les couilles. On sait que les couilles font de l'oseille, mais bon, l'oseille ne fait pas les couilles. En cas d'embrouille, ouais, poteau, c'est là qu'on voit les vrais potes. Ceux qui font ne parlent pas, c'est ceux qui font rien qui papotent. Mais j'ai pas les potes, je sais que tu m'aimes pas. Ne me fais pas la bise, ça nique, c'est pas normal, ça crème pas. C'est tout pour le bise, en temps de crise, on vit de débrouille. Que des débrouillards, on s'en fume, H24 poteau. On est dans le brouillard, on a les dents aiguisées. Tête cramée, cheveux frisés. Même si je parais déterminé, au fond, mon cœur est brisé. Y'a trop de langues de salope, tu dois te sentir visé. Ça sert à rien d'avoir une arme tirée sans savoir viser. Tu veux nous tester, on est là. Nigga one full of hella. Nous cabine ouais tu mal pas inquiété. On nous pas joke, nous ca fuck en game là. Tu veux nous tester, on est là. Nigga one full of hella. Nous cabine ouais tu mal pas inquiété. On nous pas joke, nous ca fuck en game. Toujours la même, toi toujours la même. J'ai beau chercher, bon Dieu tombe sur des problèmes. Quel bon Dieu m'aide, j'ai pas trouvé le remède. Si je pars trop vite, sache que maman je t'aime. Et je m'inspire de moi, y'a personne que j'imite. J'ai grandi sans limite. Je me suis fait seul et je n'ai pas ce que je mérite. I'm so lonely. Je n'ai que des ennuis. J'endors plus la nuit. Mais all eyes on me. Qui est ami ou ennemi, cette life m'a pris une bonne laisse. Faut tenir sa confiance en laisse. Il te joue des vis pour des liens. Et que les sentiments ça blesse. Ouais, cette life m'a pris une bonne laisse. Qu'il faut tenir sa confiance en laisse. Il te joue des vis pour des liens. Et que les sentiments ça blesse. Ouais. Tu veux nous tester, on est là. Nigga one full of hell. Nous cabine ouais tu mal pas inquiété. Ou nous pas joke, nous ca fuck en game là. Tu veux nous tester, on est là. Nigga one full of hell. Nous cabine ouais tu mal pas inquiété. Ou nous pas joke, nous ca fuck en game. Ça rappe de Paris à la Paname. Au frère j'passe le salam. Ne fais pas trop le voyou, ils vont te la mettre sans état d'âme. Sur le calibre ou sur ta lame. Viens voir sur le macadam. La vie c'est un jeu d'échecs. Avec un pion j'te nique ta dame. Y'a trop de fils d'up dans l'âme. Prêt à tout pour briller. Trop perdre l'envie de prier. Trop souvent l'envie de crier. On taffe de mars ça fait briller. Que des fils d'ouvriers. Y'a plus personne devant le canon. Ça cabale comme des lévriers. Passe son temps à roupiller. Ça me parle de gros billets. Tu vas payer car c'est trop tard. Une fois que c'est dégoupillé. On fait le taf et c'est plié. Charbonne et c'est grillé. Beaucoup aiment le goût du fric comme si c'était de la viande grillée. Que des pétards dans le cendrier. On s'entretue pour du pilon. À l'heure qu'il est, j'en fume être. Regarde mon regard en dilon. Le chemin est long. Mais bon, quoi qu'il arrive, on ne lâche pas. Sur le P, ne crache pas. Si tu nous cherches, on se cache pas. Yeah. Tu veux nous tester, on est là. Nigga one full of hell. Nous cabine, ouais, tu mal pas inquiété. Ou nous pas joke, nous ca fuck en game là. Tu veux nous tester, on est là. Nigga one full of hell. Tu m'as pas inquiété, ou nous pas joke, nous ca fuck en game là. Tu veux nous tester, on est là. Nigga one full of hell. Nous cabine, ouais, tu m'as pas inquiété, ou nous pas joke, nous ca fuck en game là. Tu veux nous tester, on est là. Nigga one full of hell. Nous cabine, ouais, tu m'as pas inquiété, ou nous pas joke, nous ca fuck en game.